Et bon après-midi tout le monde, vous êtes sur les ondes de Cifou 89.1 FM et c'est le temps de l'émission En piste avec Tania Baudin. On a eu deux grosses fins de semaine ici à Trois-Rivières. Le Grand Prix de Trois-Rivières était écoulé sur deux fins de semaine. La plupart, vous le savez, durant les deux dernières émissions, eh bien, on a fait des spéciales Grand Prix de Trois-Rivières. Eh bien, cette semaine, ça va sensiblement être la globalité du Grand Prix de Trois-Rivières, disons-le comme ça. En fait, on va faire un retour sur l'événement avec le directeur général Dominique Fugère et aussi on va y avoir d'autres invités qui vont nous parler de leur expérience au Grand Prix de Trois-Rivières. Mais tout d'abord, comme à chaque semaine, j'aimerais simplement commencer l'émission en faisant le retour sur les différentes courses qui se sont passées durant le week-end. Donc, du côté du karting, eh bien, il y avait la cinquième manche du championnat du Québec et qui s'est disputée à Icar, donc le circuit de Mirabel. Et vous allez voir, je ne vais pas vous décrire toutes les catégories comme en temps habituel, comme on le fait, parce que malheureusement, il y avait beaucoup moins d'inscrits à l'événement que dans le passé. Comme on a vu, c'est un sujet dont on a parlé à maintes reprises dans l'émission. Malheureusement, le sport automobile, du moins le monde du karting, souffre présentement. Il y a de moins en moins de pilotes qui participent aux événements. Alors, j'ai retrouvé les deux catégories qui semblaient être les plus nombreuses. Et bien évidemment, il y avait la catégorie Briggs & Stratton Senior en troisième position. Mathieu Demers. Deuxième position, un habitué des podiums. Je crois qu'on n'a même plus besoin de le présenter pour les gens qui connaissent. Eh bien, c'était Simon Bélanger. Et en première position, c'était Sébastien Laviolette. Dans la catégorie Micromax, en troisième position, on a le jeune William Michaud. En deuxième position, Brandon Itzkovich. Et en première position, eh bien, c'était Sapiste, c'est chez lui. Et lui aussi commence à accumuler de plus en plus les podiums. C'était le jeune Justin Arsenault. Donc, je vous disais un petit peu plus tôt, il n'y avait pas beaucoup de pilotes qui se sont inscrits. Au total, on devait avoir peut-être une quarantaine de pilotes. C'est un sujet dont on parle souvent, à savoir qu'est-ce que l'on va devoir faire dans le monde du karting pour promouvoir le sport. Est-ce que c'est simplement une question d'argent? Est-ce que c'est simplement une question de publicité qui manque au sport? Ça va toujours rester un débat, je crois, parce que du moins, la course automobile est un monde très dispendieux. Alors, est-ce que c'est le problème? Ce sera pour une autre émission. Et puis, dans la catégorie, disons-le comme ça, Stock Car, était aussi à la télévision. Le NASCAR Xfinity, il y avait le Zippo 200 du côté de Watkins Glen. Alors, en troisième position, c'était Chris Buescher. En deuxième position, Brad Keselowski. Et en première position, le jeune Joey Logano, qui a dû avoir de très belles émotions cette fin de semaine parce que Joey Logano a non seulement gagné la course en Xfinity le samedi, mais a aussi remporté la première position pour la catégorie Sprint Cup qui était le Cheez-It 355, encore une fois du côté de Watkins Glen. Alors en troisième position, c'était Kevin Harvick et je ne sais pas si je suis la seule à avoir écouté la course, du moins l'avoir regardée à la télévision, mais Kevin Harvick, du moins dans les deux derniers tours, semblait avoir déjà remporté l'épreuve et malheureusement, dans les deux derniers coins avant la ligne départ-arrivée, Kevin Harvick a manqué d'essence, tout simplement. On a eu plusieurs drapeaux jaunes et on a aussi eu un drapeau rouge pendant la course dans les derniers tours. Alors, c'est ce qui a fait en sorte que Kevin Harvick a dû essayer de conserver son essence au maximum. On l'entendait dans la communication radio avec son équipe dire « Dites-moi où je suis rendu parce que je ne suis pas certain qu'on va pouvoir se rendre. » Et malheureusement, il ne s'est pas rendu. Il a terminé en troisième position. C'est Kyle Busch qui est arrivé tout juste devant lui à la ligne départ-arrivée. Et en première position, je vous le disais encore une fois, c'est Joey Logano qui a fait une double victoire pour ce week-end. Il y avait aussi le deuxième Grand Prix de Trois-Rivières, le deuxième week-end qui était entièrement, qualifions-le de show de boucan. C'était la fin de semaine drift rallycross et du côté de RX Lite, eh bien, en troisième position, c'est le pilote de Roxton Pound, le Québécois Andrew Ranger. En deuxième position, le Français Cyril Raymond. Et en première position, Oliver Erickson. La catégorie RX Lite qui avait beaucoup moins de participants que l'année dernière. Par contre, ça l'a quand même donné tout un spectacle. On le sait pour la plupart des gens qui viennent au Grand Prix de Trois-Rivières, le RX Lite, ça saute dans les airs. On fait un tracé qui est d'asphalte et de terre. On vous le disait en direct samedi matin du terrain. C'est une discipline qui est tout à fait à l'encontre de ce que l'on voit ici en temps habituel au Québec. Et c'est pour ça que ça donne toujours un très bon spectacle. Du côté du World Rallycross, le Global Rallycross, le Supercar, appelons-le comme ça, eh bien, en troisième position, c'est l'animateur de Top Gear, Tanner Fust, qui est arrivé sur la troisième marche du podium. En deuxième position, je vais essayer de bien faire fonctionner mon finlandais, Thomas Häkkinen. Et en première position, eh bien, c'était Davy Janney. Et on va avoir la chance, après le bloc musical, de discuter avec le vainqueur de la série Global Rallycross, Davy Janney, qui était ici cette fin de semaine au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors, sans plus tarder, on va aller en musique avec Modern Love, The Mother Mother, ainsi que Beautiful Now, de Zedd. Who likes to leave on all the lights? So as I start to tremble, she can watch my secrets die. And she's the one who likes a different kind of fun. Peel away the layers till we're nothing and no one. And it's true, yeah, true, I fell for you. Modern day, the modern day, the modern day. Et vous êtes de retour à CIFU 89.1 FM. Je vous disais un petit peu plus tôt, tout juste avant le bloc musical, avant qu'on ait à entendre Mother Mother avec Modern Love et Zed avec Beautiful Now, qu'on allait avoir au téléphone avec nous le vainqueur du Grand Prix de Trois-Rivières dans le championnat du monde de rallycross, Davy Jenny. Davy est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va bien, oui. Bien rentré, puis on a bien fêté ça, donc tout va bien. Eh bien, justement, premièrement, félicitations pour votre victoire au Grand Prix de Trois-Rivières. Dites-moi, est-ce que quand vous êtes arrivé ici, vous aviez des attentes face à Trois-Rivières? Des attentes, j'avais pour objectif de faire un podium. Après, la victoire, ça a été la bienvenue. Surtout dans un pays francophone, où je côtoie quand même beaucoup de monde, l'organisateur, tout ça... Ça se passe toujours très très bien depuis l'an passé où on vient. C'est toujours bien organisé et on est toujours bien accueillis. Donc c'était appréciable de gagner ici. Ça c'est sûr que c'était une bonne surprise et j'ai bien apprécié. Ouais. Eh bien le tracé, le circuit de la ville de Trois-Rivières, c'est un tracé qui est très technique. On le sait, il est entouré de murs de béton. C'est très près des voitures. Les virages sont très serrés. Est-ce que vous aviez un défi durant la fin de semaine quant au circuit? Alors c'est sûr que ça nous change à ce qu'on connaît habituellement parce que c'est un circuit qui est construit que pour l'occasion. Mm-hmm. Donc il est délimité en effet par des murs de béton ou des pneumatiques. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on va dire. Il n'y a pas le droit à l'erreur et c'est vrai que ça rajoute un peu de pression parce que nous les courses s'enchaînent quand même assez rapidement. Il y a la Norvège dans 2 semaines, donc avec le transport des voitures, bon, il n'y a pas beaucoup de temps pour réparer, donc fallait aussi gérer ce côté-là en effet du circuit. Après, le fait que ce soit un circuit technique, moi j'aime bien, il y a 2 sauts par tour, c'est pas non plus sur tous les circuits où on voit ça, donc c'est plutôt sympa pour le show, pour les spectateurs. Et avoir une très très grande ligne droite, c'est pas habituel non plus, parce que avec ces voitures-là, on n'atteint pas habituellement plus de 200 km/h. Donc, ça fait une petite préparation en plus, du travail sur notre pilotage avant l'épreuve, ça c'est sûr. Ouais. Eh bien, vous sortez, comme vous le disiez, vous sortez pas beaucoup de l'Europe avec le championnat, autre que pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Quelles sont tes impressions sur l'événement, sur la ville elle-même? Bah, y a une autre épreuve dans le championnat du monde. Bon, c'est l'épreuve en France à l'EAC. Mm-hmm. Il y a exactement le même ressenti quand nous on vient de l'extérieur. C'est que il y a plein de bénévoles. Ok. Quand on a fait la sortie en ville, on sent que tous les habitants, ça les dérange pas. Ils aiment le sport automobile à Trois-Rivières. C'est c'est impressionnant. Et sur les preuves en France, c'est exactement pareil. Et du coup, vous, c'est encore plus grand. Donc, c'est sympa de vivre ça. Et tous les pilotes avec lesquels j'ai couru ce week-end, on en a discuté un petit peu. Ils m'ont dit, c'est génial. Enfin, on ne voit pas ça partout où on va à chaque circuit. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a une ambiance et une euphorie pour le sport automobile qui est vraiment très bien. David, c'était la 7e manche du championnat du rallycross qui se disputait ici à Trois-Rivières. Vous avez maintenant 2 victoires. Vous avez terminé devant le champion en titre, Peter Solberg, cette fin de semaine. À quel point est-ce que vous êtes confiant pour le reste du championnat? Bah, c'est vrai que forcément, 2 victoires en trois épreuves, ça remonte le niveau de confiance et de sérénité. On a trouvé des bons réglages sur la voiture depuis la course, depuis ma première victoire. Donc du coup, on reste sur une bonne dynamique en ce moment, moi et mon coéquipier en plus. Donc on performe tous les deux à chaque week-end. Bon là, ça s'est mal fini pour lui en demi-finale, mais il aurait très bien pu gagner aussi. Donc on espère la prochaine fois faire un bon résultat tous les deux en finale et marquer encore plus de points parce qu'il y a le championnat pilote et il y a le championnat par équipe. Donc il faut bien prendre en compte les deux. Et en championnat pilote, c'est sûr que pour ma part, finir 2 fois de suite devant Peter Solberg ou même des personnes comme Tanner Foust ou des gars comme... comme on va peut-être voir Yvan Muller en France, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pilotes connus qui, de plus en plus, viennent participer à une épreuve de rallycross. Donc, quand on finit devant, on apprécie et puis on savoure aussi des belles victoires comme cela. Vous le disiez, la prochaine épreuve, ça va être en Norvège. Lorsque vous vous déplacez comme ça, on s'entend, les voitures sont parties de l'Europe, elles sont arrivées ici au Canada. Par la suite, elles sont reprises pour être renvoyées en Norvège. À quel point est-ce qu'il y a un travail mécanique à faire sur la voiture lorsque vous arrivez au circuit? Alors là, du coup, ils ont réparé les voitures avant de les faire partir. OK. Pour pas avoir de surprise, un coup arrivé là-bas, s'il y a des délais pour les pièces. Oui. Et du coup, ça c'est une grosse logistique. Donc, on est aidé aussi par le promoteur du championnat. D'accord. Qui, eux, savent faire en termes de logistique, tout ça. Ils ont plus l'habitude que certaines équipes. Avant, on était un peu plus championnat d'Europe. Donc, c'était plutôt par la route que ça partait. Tandis que là, c'est un coup le bateau, un coup l'avion. Donc, il y a quand même pas mal de boulot. Et, en termes de logistique, il faut s'y prendre vraiment longtemps à l'avance, tout ça. Donc, c'est un gros travail, mais bon, c'est bien organisé, ça se passe très très bien. Et David, en terminant, est-ce que vous allez être des nôtres pour défendre votre titre en 2016 au circuit de Trois-Rivières? Normalement, oui. J'espère bien, en tous les cas, parce que j'ai bien aimé le tracé cette année. L'organisateur, j'ai trouvé qu'il avait vraiment bien bien travaillé sur la piste et même sur l'environnement du circuit. Mm-hmm. Donc, je serais ravi de revenir à Trois-Rivières l'année prochaine, sans problème. Eh bien, David, encore une fois, félicitations pour votre victoire au circuit de Trois-Rivières et on espère vous voir des nôtres l'année prochaine. Ah ben oui. Je signe tout de suite. Excellent. Merci à vous. Merci encore une fois. Il est très tard chez vous, il est 22h. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre appel. De rien. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et pour nous, eh bien, on va aller sur un bloc publicitaire, tout simplement. Et par la suite, on vous revient avec encore plus d'informations sur ce qu'était la fin de semaine du Grand Prix de Trois-Rivières. De changement. Vous étudiez à l'Université du Québec à Trois-Rivières à la prochaine session? Vous êtes présentement à la recherche d'un logement pas très loin et près des différents services? Eh bien, Habitation Populaire du Québec offre des logements abordables qui conviennent à la réalité des étudiants. Près de vos besoins, contactez-les dès maintenant au 819-374-2586. Ils auront la solution à vos recherches. Habitation Populaire, 1160 Terrasse Turcotte, Trois-Rivières. Au 819-374-2586. Samedi le 22 août prochain, 21h30, The Best Foot Forward et Greg Alone envahissent le Zénith. Si vous avez envie de groover sur des musiques mélangeant les rythmes latins, le hip-hop, le hardcore et l'électro, soyez au Zénob ce samedi 22 août 21h30 pour The Best Foot Forward et Greg Alone en première partie. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. C'est ça, cet été, du punk, du ska, de la hoï et plus encore. C'est tous les samedis avec Sky Punka de 15h à 17h et les bonnets rouges de 17h à 18h. Fou de diversité. Diversité, diversité. C'est fou, 89. Et nous sommes de retour dans l'émission En Piste avec Tania Baudin. Tout juste avant le bloc publicitaire, je vous disais qu'on allait parler encore du Grand Prix de Trois-Rivières. Eh bien oui, c'est terminé, mais on doit maintenant boucler la boucle. Et au téléphone avec nous, c'est Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Bon après-midi, Dominique. Bonjour, Tania. Dominique, c'est deux grosses fins de semaine qui viennent de se terminer pour le Grand Prix. Encore une fois, un excellent travail de toute l'organisation. Dis-moi, quels sont tes points favoris des deux week-ends qui viennent de se passer? Ben, c'est simple. Je dirais que les deux, le finish des deux finales, que ce soit en NASCAR là, par 50 millièmes de seconde ou encore du côté du rallycross avec David Genet qui l'a remporté, sont mes deux points favoris. C'était bien plaisant de voir la recrue Kevin Lacroix qui a réussi à bluffer tout le monde et à se retrouver... grand gagnant du 50 tours Julia Wang par un nez à peine sur Andrew Ranger. Puis je dirais que la victoire de David Genet était un des points à remarquer, mais suivi de très très près par la performance d'Andrew Ranger justement, qui à sa première course de rallycross a terminé troisième et qui a fait écarquiller bien des yeux, dont ceux du propriétaire de l'écurie et de la série Andreas Eriksson. C'était un très gros défi de transporter l'événement sur deux week-ends, tout le monde le sait. Avec la venue d'une série internationale comme celle du rallycross, est-ce qu'il y avait des obligations très précises à ce que vous deviez retoucher entre les deux fins de semaine? Ben écoute, pour nous autres, c'était de se donner du temps et de l'espace pour croître, puis ça a bien fonctionné. On savait qu'on ne vendrait pas deux fois plus de billets, mais à tout le moins, si nos gradins ont servi à deux reprises, ben ça nous a permis d'améliorer notre sort. Aussi pour la logistique, c'est beaucoup plus simple parce que on sait que ce sont pas des circuits identiques entre le circuit routier puis le circuit de rallycross. Donc d'avoir le temps de travailler entre les deux, ça a été très bien. Puis ça a été aussi bien vu de la part des équipes qui ont beaucoup plus aimé leur deuxième passage plutôt que leur premier l'an dernier. Dominique, j'aimerais ça rapidement qu'on parle de la retombée que ça apporte à la ville de Trois-Rivières. On le sait maintenant, le Grand Prix de Trois-Rivières, ça a une retombée vraiment très grande. C'est rendu un événement international. La visibilité, c'est une très grosse porte d'entrée qu'on donne à la ville de Trois-Rivières. Oui, pour nous autres, la clé là-dedans, c'est que le Grand Prix devienne une carte de visite pour la ville, pour le Québec et pour le Canada. Puis je pense qu'on est en bon chemin là, de faire arriver ça, s'assurer que ce soit pour nous, comme je le disais, là, vraiment une belle vitrine pour notre région un peu partout dans le monde. C'est certain qu'on est en développement, que les choses avancent bien. Là, on va peut-être consolider un peu sur nos acquis. Mm-hmm. Mais on garde la tête pleine de projets puis on dit on ne serait pas surpris si on ajoute quelques éléments à notre programmation ou à tout le moins si on ajuste les choses qu'on fait actuellement. On en avait déjà discuté dans la première émission qu'on a fait pour le Grand Prix de Trois-Rivières qui parlait de NASCAR, mais l'organisation du Grand Prix, ça n'arrête jamais. Vous commencez déjà à penser à la prochaine édition. Dis-moi, est-ce que à ce moment-ci, on peut dire que les responsables de la FIA sont comblés et seront de retour en 2016? On a bien hâte de voir le rapport tant de la FIA que de la série. Pour l'instant, ça va bien. Les premiers échos nous laissent croire que ce sera positif, en tout cas beaucoup plus que ça l'était l'an passé, puis ils sont quand même revenus. Mm-hmm. Donc, on n'est pas en peine et on a bon espoir là, de pouvoir accueillir encore le championnat du monde de rallycross l'an prochain. Et Dominique, le démontage semble très bien aller. Je suis passée devant le terrain ce matin et il semble presque plus y avoir que grand-chose sur le terrain. Quand est-ce que vous pensez avoir tout terminé exactement? Bien, nous autres, là, le temps qu'on ait tout terminé, ça va absolument au mois d'octobre, mais évidemment, les gros morceaux sont pas mal réglés. Là. C'est une question de jour, puis après ça, pour le reste, c'est de tout ranger de façon de garder ça propre, de garder ça prêt pour que ce soit plus facile à déployer l'an prochain. Et même pas 72 heures après la dernière course, est-ce qu'on peut dire que l'organisation du Grand Prix de Trois-Rivières a rencontré les objectifs 2015 qui s'étaient donnés? Bien, comme je disais, les premiers échos veulent qu'on les ait rencontrés. On ne saura pas tant qu'on n'aura pas colligé, là, évidemment, là, le bilan financier, les retours, le démontage du site aussi, mais ça regarde très, très bien pour l'instant. Eh bien, Dominique Fugère, merci beaucoup d'avoir accepté l'appel. C'était encore une fois une efficacité à l'état pur, le Grand Prix de Trois-Rivières, un grand succès. Je te souhaite un très bon repos pour les prochains jours. Merci. On va en prendre bonne note, on va prendre un peu de repos. On va revenir encore plus fort pour l'édition 2016. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci. Et c'était Dominique Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous l'avez entendu, ils sont très heureux jusqu'à présent de ce qu'a été les deux week-ends. Et il le disait lui-même, très belle remontée, très belle prestation du pilote québécois Andrew Ranger. J'en discutais un petit peu en début d'émission lorsque je vous ai donné les résultats de cette fin de semaine. Mais c'était quand même la première fois qu'Andrew Ranger mettait les mains sur un volant du type rallycross et... À toute allure, il en a impressionné plusieurs parce que déjà vendredi matin, simplement les ingénieurs de l'équipe lui expliquaient comment prendre un départ avec une telle voiture parce que c'est complètement différent de ce que les pilotes de NASCAR voient en temps habituel. On le sait, Andrew Ranger est un pilote qui a quand même fait de la terre à plusieurs reprises, mais c'est quand même du pilotage qui est très différent de ce qu'il voit en temps habituel. Alors, encore une fois, chapeau pour le pilote québécois Andrew Ranger qui est présentement dans les airs entre Montréal et Toronto. On devait... l'avoir parmi nous dans l'émission. Par contre, il est en avion, alors peut-être, qui sait, on pourra lui parler dans une prochaine émission. Mais pour tout de suite, on va aller en musique avec Get Dirty et Marcus Sibilia. In the middle of Georgia, watch her go. is too far to walk alone. You can't do it on your own. It's like bare hands digging through stone. And if things go down much steeper hills, even money won't pay these bills. But time will show, show, show. People gonna be okay. I keep on drifting a million miles from this planet. What a shame it would be to look back on our life and realize that I've taken you and me for granted. Not gonna do it now. People gonna be okay. Stars never come to stay. How bad we need each other. How bad we need each other. C'était Mark Sibilia avec How Bad Do We Need Each Other. Et au téléphone, au bout du fil avec moi, eh bien, c'est le pilote Alexandre Tagliani. Ça va bien, Alex? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Alexandre, c'est deux gros week-ends qui viennent de se terminer pour toi aussi. D'excellents résultats au Grand Prix de Trois-Rivières. Le premier week-end, deuxième week-end, on faisait du rallycross. Dis-moi comment ça s'est passé de ton côté les deux week-ends. Ben écoute, le premier week-end, ça a super bien été. Vraiment content de l'équipe Épitaine, CGI. Écoute, moi, évidemment, avec les deux courses que je manque dans le championnat, c'est assez difficile de récupérer les points perdus puis de rouler pour le championnat des pilotes. Donc, on se concentre beaucoup sur... Le championnat des propriétaires qui est enregistré grâce à la voiture numéro 18. Et puis, en ce moment, on est en tête au championnat. Alors, oui, c'était hyper important de marquer des points au Grand Prix Trois-Rivières parce que la saison commence à s'écouler. Et mm-hmm. puis, on commence à manquer de temps. Donc, un podium, c'était super. Le deuxième week-end, c'était... autour du rallycross. Oui. Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu une première journée un petit peu difficile parce qu'on a eu quelques petits problèmes mécaniques avec la voiture. Mais ensuite, en entrée de jeu, la deuxième journée, ça a été super bien été. J'ai gagné un hit et ensuite une deuxième place qui m'a fait partir en deuxième place, en deuxième ligne finalement dans la finale. Et... ça n'a pas duré longtemps. Je me suis rentré dans le premier virage qui a croché la suspension de la voiture. C'était un peu malheureux, mais je vais pas manquer de sommeil à cause de ça parce que c'était pas ma priorité vraiment. Puis je suis pas au championnat non plus. Si je m'étais fait rentrer dedans en NASCAR, j'aurais perdu la course puis la possibilité de faire des points, j'aurais été beaucoup plus triste. Là. Ouais. Mais écoute, j'étais là pour m'amuser. C'était plus une course d'exhibition que d'autres choses. Mais écoute, je me suis bien adapté à l'auto. J'ai eu du fun. C'était une première expérience pour moi, puis je suis content d'avoir vu c'était quoi une voiture de rallye toi. Bien, justement, c'était une première expérience. T'avais jamais roulé là-dedans. C'est une série qu'on voit pas normalement ici au Québec, autre qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment. Mais dis-moi, est-ce qu'on a de bonnes chances de te revoir dans une série comme celle-là dans les années prochaines, mettons? Je te dirais que c'est dur. Je te dirais que le Grand Prix de Trois-Rivières, oui. Maintenant que je sais c'est quoi, comme à chaque année, je vais probablement ouvrir la cédule de la saison, puis je vais regarder où sont mes conflits, puis si j'en ai pas, une de mes priorités va être de trouver un volant dans une équipe de rallycross, parce que ça vaut vraiment la peine d'être là, puis j'ai vraiment apprécié. Mais ça dépend toujours de la cédule. Pour ce qui est du rallycross à temps plein dans un championnat, écoute, je te dirais que c'est un peu plus dur parce que il n'y a pas de course à part. Bon, premièrement, au niveau international, ça serait extrêmement difficile. Je te dirais plus que le Global Rallycross serait la série. Mais encore une fois, ça court seulement aux États-Unis. Et puis c'est dur de convaincre les commanditaires canadiens de seulement commanditer des courses américaines. Oui, puis Alex, parlant de courses américaines, tu vas aller du côté des États-Unis cette fin de semaine pour courser en Xfinity, mais en même temps, comme tu le dis, la série NASCAR va être du côté de l'Est Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre ton volant en Nouvelle-Écosse? Oui, ben écoute, je suis ici en ce moment, en Nouvelle-Écosse, à Halifax. Je fais une tournée promotionnelle dans un hôpital pour enfants. Et puis je rencontre les gens du département des allergies alimentaires. Alors, je continue avec mon travail au niveau de représentant d'EpiPens pour ce qui est la sensibilisation sur les allergies alimentaires. Mais ça va être David Michaud qui va prendre le volant pour le week-end dans la voiture numéro 18. Donc, ça va être un week-end important pour nous, que je vais suivre attentivement de loin parce que je veux qu'il fasse bien puis je veux qu'il remporte le maximum de points possible. Encore une fois, comme je disais tantôt, pour nous, on est en quête du championnat des propriétaires, donc même si je suis pas dans la voiture, c'est la voiture numéro 18 qui doit accumuler le plus de points possible. Et j'ai confiance en David parce que c'est un pilote expérimenté du Québec dans les circuits ovales. Alors je pense que c'est un bon choix, puis c'est le fun de pouvoir mettre quelqu'un de chez nous dans la voiture pour bien représenter EpiPens. Et puis toi, quelles sont tes attentes du côté des États-Unis pour la série Xfinity en fin de semaine? Ben, il faut gagner. Je suis pas le type de gars de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je l'ai jamais fait dans ma carrière. J'approche toujours les week-ends avec un peu de réticence parce que ça fait un peu trop cocky de dire je m'en vais là puis on va gagner, mais je veux gagner, c'est clair que je vais toujours aux courses pour remporter la victoire. Écoute, quand t'es catapulté dans une voiture comme ça sans essai, dans une série où tu cours pas, puis c'est juste une course, puis t'as pas tout ce que tu peux faire, c'est pratiquer la journée de la pratique puis qualifier puis courir. C'est assez rock'n'roll, mais des opportunités comme ça, c'est sûr que il y en a pas à la tonne. Puis c'est l'équipe numéro un. Donc je suis venu très près de remporter l'an passé à deux reprises. Donc je suis content d'avoir la possibilité de réessayer. Tu sais. Mais ça m'est tellement arrivé souvent d'être près de la victoire. Puis il suffit que tu manques de sens ou peu importe ce qui est arrivé dans le passé, tu sais, c'est pour ça que je m'avance jamais, mais je me présente aux courses avec l'attitude de gagner, ça c'est certain. Et Alex, on le sait, dernièrement, ta famille s'est agrandie, tu as une petite fille, mais dis-moi, est-ce que tu vois le monde de la course automobile du même œil maintenant que t'es papa, ou tu vois la course automobile d'un œil peut-être plus sécuritaire? Ben, je te dirais que, écoute, dernièrement, il y a une chose qui a changé beaucoup, c'est que je prends les choses comme ça vient, tu sais, des fois, tu sais, quand tu mets beaucoup de temps, d'énergie, de passion dans ton sport, tu sais, on dirait que ta vie tourne autour des courses. Mm-hmm. C'est honnêtement, là, c'est drôle que tu me poses la question parce que on dirait que tout arrive en même temps, mais je prends les choses avec un peu plus de grain, avec un grain de sel. Puis, oui. Je pense que ça me rend aussi comme un meilleur pilote, tu sais, parce que des fois, j'ai toujours eu comme une attitude où est-ce que j'ai tellement travaillé fort dans ma carrière, j'ai tellement investi d'argent, puis que des fois, tu arrives aux courses, puis tu as tout le temps des conditions pas toujours faciles, puis tu es à la dernière minute, puis t'as des rides partielles, puis tu veux faire le mieux possible pour le peu de fois que tu es là. Fait que c'est le tout pour le tout, tu sais, ça passe ou ça casse. Tandis qu'aujourd'hui, tu sais, je le prends comme ça vient. Puis avec la nouvelle d'aujourd'hui, comme quoi que bon, j'ai reçu une nomination, ben pas une nomination, mais j'ai été induit dans le temple. Ben oui, de la renommée du film canadien. Exactement. Et ça fait chaud au cœur parce que tu sais, des fois là, oui, tu courses, puis c'est toi qui courses, mais dans la course automobile, tu mets beaucoup de temps, énergie, d'effort pour promouvoir ton sport que t'aimes. Mais au bout de la ligne, c'est tu le promouvois pour les commanditaires qui te supportent, tu le promouvois pour les amateurs qui te supportent. Puis ça, cette nomination-là, ça fait que... Je pense que c'est comme un... Ça fait chaud au cœur, tu sais, pour la famille, pour toutes les sueurs puis les sacrifices que la famille autour de toi, les gens qui ont mis de l'argent dans ta carrière, puis les amateurs qui t'ont supporté. Je trouve que c'est un geste qui... Je sais pas, ça, c'est bien d'être apprécié pour tous les efforts que tu fais pour promouvoir le sport de chez nous, mais partout à travers le monde, puis autant de temps qu'on met là-dedans. T'sais. Puis rapidement, Alex, on le sait, tu fais la saison en série NASCAR Canadian Tire. La série connaît quand même un très beau succès depuis quelques années. Qu'est-ce que tu penses de son futur de cette série-là? Ah, tu poses des bonnes questions. écoute, moi, là, moi, je suis rendu à un point dans ma carrière où est-ce que je suis capable de... Tu sais, je peux me permettre de dire des choses que je veux dire. Puis c'est sûr que la série, elle a une belle promotion. C'est une série qui est grandissante, puis c'est beau à voir. Le fait qu'il y ait beaucoup de pilotes qui veulent courir dans cette série-là, c'est le fun. Mais je pense que le modèle d'affaires de la série est pas encore au point. Okay. C'est-à-dire que il faut que les jeunes qui sortent du karting veuillent s'en aller dans le NASCAR Canada. Que la série NASCAR Canada, parce qu'elle est télédiffusée, parce qu'elle a une certaine visibilité promotionnelle à la télé, tout ça, que ça soit, qu'elle devienne en demande 100 fois plus qu'elle est en ce moment pour faire en sorte que les commanditeurs veulent à leur tour s'associer à cette série-là. Mm-hmm. Red Bull aujourd'hui là va s'investir dans le monde du karting, pas parce qu'ils ont de la télévision ou pas parce qu'ils ont plus de visibilité qu'on en a en NASCAR Canada, parce que tout le monde doit commencer par le karting, donc ils ont un reach énorme. Puis c'est ce qui fait que des compagnies comme ça vont vouloir venir jouer dans notre série quand il va avoir une très forte demande. Puis à mon humble avis, pour avoir une très forte demande, il faudrait que la série puisse s'adapter un petit peu plus à la demande canadienne. Au Canada, on est des gens qui sont fanatiques de circuit routier. On oui. a un background de road course énorme. Je pense qu'il faut que la série s'adapte un peu plus au marché canadien, revamper un peu le look des voitures. Il y a des efforts à mettre dessus. C'est ce que j'essaye de dire, puis de mettre mon petit grain de sel oui. là-dedans pour faire en sorte qu'un jour, qu'un jeune qui aujourd'hui a l'âge de 12 ans puisse avoir un futur. Puis si c'est quelqu'un qui n'a pas les millions de dollars derrière lui pour s'en aller jusqu'en IndyCar ou en F1, mais qui puisse vivre de la course automobile grâce à une série canadienne, qu'on arrête de regarder le gazon et plus vert ailleurs, puis qu'on rende la série NASCAR Canada, par exemple, aussi populaire que le V8 Supercar en Australie. Mm-hmm. En Australie, ils sont 25 millions de personnes, puis il n'y a pas un pilote australien qui rêve de venir courir en NASCAR Canada. Donc, pourquoi nous, on devrait rêver d'aller courir là-dedans? Il faudrait juste faire que notre série soit aussi populaire que la leur, puis on aurait comme un petit joyau entre les mains qui donnerait la possibilité de vivre de la course automobile aux jeunes pilotes du futur. Bien, Alex, j'espère que ce que tu viens de dire, ça va porter fruit, honnêtement. La série NASCAR Canadian Tire, c'est une belle série, mais comme tu dis, on peut prendre place à l'amélioration dès demain pour cette série. Alex, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir pris ton temps, même si tu étais déjà en Nouvelle-Écosse, de nous avoir téléphoné pour cette belle entrevue. Je suis très contente de t'avoir parlé. Ouais, merci beaucoup à toi. Merci, bonne fin de journée. Et comme le disait Alex Tagliani, eh bien, c'est pas parce qu'on est au Québec ou qu'on est au Canada qu'on doit pas avoir une belle série comme celle de la série NASCAR Canadian Tire. Et il disait aussi que David Michaud allait être le pilote qui allait prendre son volant du côté de Riverside International Speedway cette fin de semaine. Et j'ai très hâte de voir comment David Michaud va se débrouiller au travers des pilotes canadiens qui ont beaucoup d'expérience, mais lui-ci a beaucoup d'expérience. Un pilote qui est peut-être resté dans l'ombre un petit peu du côté des circuits ovales ici au Québec, mais j'ai très hâte de voir comment ça va se passer pour lui. Et on va faire une courte pause musicale. On va aller écouter du Run Day East avec la chanson Run. Et au retour, on va faire un petit bloc sur l'importance de l'image pour les athlètes, plus précisément et bien évidemment en course automobile. Look at the stars, walk past the trees, they're moving around you. Gaze at the field, taste how it feels, I'm moving around you. All that I want is coming in closer. And all that you know is I'm coming closer. Je ne sais pas si vous êtes plusieurs à avoir vu l'espèce de controverse des médias sociaux dernièrement sur, eh bien, on le sait tous, la Formule 1 est comme en vacances présentement durant quelques semaines. Et puis, Lewis Hamilton a décidé d'aller dans les îles de la Barbade et de photographier tout ce qu'il faisait, que ce soit semi-habillé, que ce soit en état d'ébriété, et de poster le tout sur les médias sociaux. Eh bien, c'est les journalistes qui s'en sont donnés à cœur joie, en fait, de, comment pourrais-je dire, de juger, oui, tout à fait, de juger le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, à savoir jusqu'où devait-il poster, mettre sa vie sur les réseaux sociaux pour devenir un produit. C'est une très bonne question, en fait. J'ai posé la question à sur mon Facebook et quelques personnes m'ont répondu aussi. Et pour certaines personnes, eh bien, c'est tout simplement une question de contrôle de l'image. On le sait, la plupart du temps, les pilotes de Formule 1 vont être entourés d'une équipe de promotion, d'une équipe marketing. On le sait, Lewis Hamilton devient de plus en plus un produit en lui-même. D'après moi, le gars pourrait sortir une marque de vêtements demain matin, puis ça fonctionnerait. Par contre, jusqu'à quel point est-ce qu'il doit poster tout ça sur Facebook? Pour certains, c'est difficile à prendre. Pour d'autres, c'est tout simplement de faire parler de lui. Tu sais, y a un proverbe qui dit « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». Et pour certains, c'est tout juste ce que Lewis Hamilton fait présentement. Il fait parler de lui. Alors, s'il fait parler de lui, nécessairement, les gens vont entendre son nom plus souvent, va devenir plus populaire. C'est sûr qu'une personne qui aime une autre personne va le dire à une personne, mais si quelqu'un aime pas quelqu'un, eh bien là, il va le dire à 10 personnes différentes. Mais c'est quand même un sujet pas contradictoire, mais à débat. Pour certains, c'est pas seulement dans le monde de la course automobile. Vous le savez, j'ai une émission de course automobile, donc nécessairement, je vais parler des athlètes dans ce domaine-là. Par contre, même tout jeune, au niveau du karting, on voit présentement des jeunes pilotes qui sont entourés d'une équipe de promotion, d'une équipe de marketing. On va devenir à serrer les liens autour du pilote pour justement diriger le pilote dans la bonne direction et pas de faire parler de lui à ce que ça devienne une mauvaise publicité. C'est certain, j'ai pris l'article sur le site internet de motorsport.com, mais la version française. Pour ce qui était du journaliste qui a écrit l'article, eh bien, pour lui, Lewis Hamilton a tout simplement été trop loin. Pour vous faire un court résumé, bien, Lewis Hamilton a juste posté quelques photos de lui, comme je le disais, en état d'ébriété sur les îles de la Barbade, en étant en vacances avec des amis. Par contre, j'ai posé la question au journaliste Jean-Michel Leroy, qui lui me disait « c'est tout à fait contrôlé ». Il dit « faut comprendre qu'un pilote de Formule 1 ne va jamais vraiment être laissé à lui-même sur un média social ». Il dit « c'est contrôlé, il y a une équipe qui fait en sorte que cette photo-là va se ramasser sur Internet ». Si Lewis Hamilton n'avait pas voulu faire parler de lui à ce sujet-là, l'équipe aurait probablement filtré toutes les photos qui ont été postées. Il dit, il fait rien de mal. Il dit, il est en train de fumer un cigare. Sur une autre photo, on le voit en train de danser avec de jolies demoiselles. Il dit, c'est pas vraiment contradictoire à ce point-là. C'est contradictoire au point que l'on dit à quel point est-ce qu'un pilote doit se dévouer à son sport. On le sait, Eugénie Bouchard a fait parler d'elle aussi plusieurs fois dans les derniers mois, justement par rapport aux médias sociaux, par rapport aux photos qu'elle mettait sur Instagram, Facebook. Et certains ont dit, tu dois peut-être retourner, aller t'entraîner un petit peu. Est-ce que c'est la controverse qui fait qu'on pousse les athlètes à aller à leurs propres limites, mais on leur laisse plus pas le besoin, mais le bonheur, tout simplement, de faire ce que tout le monde ferait. Ces athlètes-là sont pas des robots. Pour mon opinion personnelle, je crois pas que Lewis Hamilton ait poussé la machine extrêmement loin. Je suis d'accord à savoir que certaines photos sont doutables, oui, tout à fait, sont doutables, à savoir est-ce qu'elles auraient dû être postées. Mais bon, c'est un sujet qui reste discutable, qui reste débattable. Et évidemment, bien, ça va rester comme ça pendant très longtemps parce que c'est le monde de la course automobile, c'est le monde des athlètes, de l'image d'une personne. Et c'est pas pour rien qu'on met une équipe autour d'eux, c'est justement pour filtrer le tout, pour s'assurer que tout est contrôlé. Alors, si jamais vous voulez encore une fois me donner votre opinion, c'est très facile. Simplement, hashtag en piste avec Tania Baudin, Facebook, Twitter, Instagram. Et donnez-moi votre opinion par rapport à ça parce qu'il y a quand même une certaine limite que les gens peuvent atteindre. Mais ça reste toujours, comme je vous le disais, un grand sujet de conversation. Alors, c'était tout pour cette semaine.